Bismillah, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Donc on continue avec notre livre Al-Ilm, Fadluhu wa Sharafuhu. Et nous sommes arrivés au point 73. Al-Wajhu al-Thalith wa Sab'un. Al-Kamalu yunalu bil-Ilm. Donc là. Al-Kamal yunalu bil-Ilm. Donc le fait que quelque chose soit complète, s'acquiert par la science. Inna Allah subhanahu khalaqa al-mawjoudat wa ja'ala li kulli shay'in minha kamalan yahtassu bihi huwa ghayatu sharafihi. Fa idha 'udima kamaluhu intaqala ila rutbati allati dunahu wa istu'mila fiha fa kana isti'maluhu fiha kamala amthalihi. فإذا عدم تلك أيضا نقل إلى ما دونها وما تعطل ولا تعطل وهكذا أبدا حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك كالحطب الذي لا يصلح إلا للأقود فالفرس إذا كانت فيه فرسياته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرم إكرام مثله فإذا نزل عنها قليلا أعد لمن دونه الملكي فإن ازداد تقصيره فيها أعد لأحد الأجناد فإن تقاصر عنها جملة استعمل استعمال الحمار وإما حول المدار وإما للنقل الزبلي ونحوه فإن عدم ذلك استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام. Donc certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc tout ce qui est vivant, tout ce qui est apparent, tout ce qu'on voit. Et il a fait de toutes ces choses-là des choses qui sont complètes. Et que ces choses-là qui sont complètes, toute création ou tout type de créature complète, c'est justement, on va retrouver dans ça, dans ce type de création lorsqu'il est complet, on va dire que cette création, elle est honorable. Elle sera donc de la plus haute honorabilité. Et si cette chose, et s'il y a un manquement dans cette complémentarité, dans le fait que cette chose est complète, donc si maintenant cette chose aurait un défaut, ne serait-ce qu'un petit défaut, donc elle va descendre au niveau qui sera en dessous. Donc elle aura un niveau, mais le niveau il sera moindre. Et aussi cette chose-là sera utilisée donc selon son rang. Donc on va utiliser donc cela selon bien sûr son rang. Et aussi, si cette chose a donc des défauts qui sont un peu plus grands, imaginez-vous, donc c'est selon le degré du défaut. Et donc cette chose-là descendra encore une fois au degré qui sera encore en dessous. On va l'utiliser, mais à moindre degré. À moindre degré. Cela jusqu'à ce que il n'y ait plus rien. Jusqu'à ce que quoi ? Il n'y ait, jusqu'à ce que cet objet, ou cet animal, ou cette chose qui existe, ait quoi ? N'ait plus de degré. N'ait plus de bienfait. Donc elle va devenir, cet objet, ou cet animal, ou sera en vérité comme une épine. Ne sera pas plus comparable qu'une épine. Comme, par exemple, le bois qui ne sert qu'à brûler. Donc le bois qui est mort, on va le prendre pour qu'il puisse brûler. Aussi, donc le cheval, plus le cheval sera complet, plus le cheval sera beau, plus le cheval sera donc en bonne santé et de bonne lignée, il a khéli. Donc il sera pour qui ? Plus le cheval, bien sûr, il sera complet, il sera pour qui ? Il sera pour les rois, il sera donc pour les personnes les plus nobles, par exemple. Donc il sera donc une monture pour les rois. Et il sera honoré, respecté, donc bien sûr, selon donc son niveau. Et si, Donc ce cheval a un défaut, c'est-à-dire un moindre défaut, donc il sera donc en dessous, c'est-à-dire il ne sera pas aussi important qu'un cheval de race, par exemple. Donc il sera pour ceux qui sont moindres. Ça peut être des gens nobles, ça peut être des gens riches, mais il sera pour des gens qui sont moindres. Donc c'est selon le niveau. Et plus on trouvera un défaut et un manquement, donc il sera, c'est-à-dire pour le commun des personnes. Et si il a encore un manquement, donc on va l'utiliser comme on utilise maintenant l'âne. Et si il y a encore une fois des défauts qui sont encore plus grands que cela, donc on va l'utiliser maintenant pour déplacer les ordures et la khilé. Donc on comprend qu'à l'époque, par rapport à ça, on voit que lorsque Ibn Qayyim dit ça, rahmallah, donc on comprend que selon le degré du cheval, bien sûr on l'utilisait. Et ça, bien sûr, c'est toujours, ça s'applique au ilm. Donc regardez, là, il va être utilisé pourquoi? Pour déplacer quoi? Déplacer les ordures. Donc du hors de la ville, enfin, hors du quartier ou hors de la ville. Et si la personne, si ce cheval n'a rien, hein, n'a aucune qualité, donc il va être utilisé donc comme si c'était un mouton ou quoi, c'est-à-dire on va ou l'immoler, hein, on va l'égorger, ou on va le tuer. Donc à un moment donné, lorsque le cheval tombe gravement malade ou quoi que ce soit, à ce moment-là, s'il n'y a plus, il y a tous ses défauts, qu'est-ce qu'il faisait? Les gens l'abattaient. Donc ils l'abattent. Donc là, on comprend, hein, par rapport à ça, donc c'est toujours un lien qui est avec la science, bien sûr, par rapport à ça. Kama yuqal fil mathal, inna farasain taqaya ahaduhuma tahta malikin wa akhar yahmilu riwaya. فقال فرس الملك الملك فرس الملك عفوا أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد فما الذي نزل بك إلى هذه المرتبة قال ما ذاك إلا أنك هملشت قليلا وتسكعت أنا وهذا الصيف إذا نبع ما هيئ له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار أو نحوي وكذا ضرور العظام الحسان إذا خبت وتهدمت واتخذت خطائر الغنم أو الإبل أو غيرهما. Donc l'exemple, c'est que deux chevaux se sont rencontrés et un était donc en dessous donc, d'un roi et le deuxième cheval portait de l'eau. Donc le cheval du roi dit « Tu étais mon ami et on était ensemble au même endroit à l'époque. Qu'est-ce qui fait que tu as descendu à ce degré-là » Donc c'était un cheval qui était maintenant donc... Et quoi, c'est des chevaux qui étaient donc dans les mêmes, donc les, non, au même endroit, c'est-à-dire que vous avez le même niveau. Qu'est-ce qui t'a descendu à ce degré d'être porteur? Donc il lui dit, donc c'est hamlajta qalilan hamlajta qalilan wa tasaqqa'tu ou ainsi que cette épée. Donc une fois que cette épée ne sert plus à rien, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On va l'utiliser comme si l'épée était donc une ou une scie ou autre, c'est-à-dire il va être considéré comme si c'était mathalan, une hache mathalan, ou autre. Et ça, bien sûr, donc c'est voici la situation des personnes ou des gens qui sont importants une fois qu'ils perdent ou ils perdent leur science ou une fois qu'ils commencent à faire des choses qui sont bien sûr dangereuses. Une fois que les personnes commencent à donc la science, elle peut très bien être perdue, C'est-à-dire une fois que les personnes commencent à commettre des péchés ou d'autres. Donc, cette comparaison par rapport à la science, c'est justement pour montrer que la science, c'est elle qui va faire que la personne elle soit complète. Plus la science elle sera complète, plus la personne elle sera de niveau, elle sera complète. وهكذا الادمي اذا كان صالحا لاستفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولا ونبيا كما قال تعالى في سوره الانعام الايه 124 الله اعلم حيث يجعل رسالته Et c'est comme ça pour le fils d'Adam. Lorsqu'il est pieux, Allah le choisit pour son message et sa prophétie. Et bien sûr, donc, il va le choisir pour le message de la prophétie. Donc, il va en faire un prophète, un envoyé, un prophète. Et c'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-An'am, verset 124, Allah sait mieux là où il dépose donc son message. Allah sait mieux qui il choisit comme prophète. Naam. Fa'idha kana... جوهره قاسيا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها رشحه لذلك. Donc si cette personne est moindre, c'est-à-dire que le degré du prophète, des envoyés, mais il sera moindre, mais il est quand même apte à être successeur donc de ce prophète, donc Allah le choisira parmi ceux-là. Donc il choisira, donc il sera bien sûr parmi les savants. Les savants ne sont pas des prophètes, ils sont moindres, mais ils ont le niveau suffisant pour être successeurs de ces prophètes. وَبَلَّرَهُ إِيَّهُ Et il lui fera savoir. Et là, le savant, il lui fera savoir. فَإِذَا كَانَ قَاسِلًا عَنْ ذَلِكَ قَابِلًا لِلدَّرَجَةِ الْوِلَيَا رُشِحَ لَهَا Et s'il est moindre que cela, de ce degré, qu'il sera élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il sera choisi pour cela. وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله. Et s'il est donc apte à être, à œuvrer et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce niveau est en dessous du niveau de la connaissance et de la science, donc il fera partie des gens qui seront bien sûr adorateurs. حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين. Jusqu'à ce qu'il soit au degré des croyants de façon générale. فَإِنَّقَسَ عَنْ هَدِي الدَّرَجَةَ فَلَمْ يَكُنْ نَفْسُهُ قَابِلَةً لِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَصْلًا إِسْتُعْمِلَ حَطَبًا وَأُقُودًا لِلنَّارِ Et si il n'a plus ce degré de croyant, c'est-à-dire de musulman aussi, et qu'il n'y a pas en lui du bien, dans son nefs, n'accepte rien, ni du bien à l'origine, donc il sera utilisé comme bois et ustensiles combustibles pour l'enfer. Il sera utilisé comme combustible pour l'enfer. Donc regardez cette expérience, la parole de Ibn Al-Qayyim rahmatullah alayhi qui ressemble justement par rapport à celle du cheval. Donc il donne un exemple afin que les gens comprennent bien. وكذا الإنسان يترقى في الدرجات كما درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله ورب يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشية Et voilà comment est donc le serviteur, la personne, le fils d'Adam, celui qui va s'élever en degré dans le fait qu'il va être de plus en plus complet. Et il va s'élever en grand, en rang, jusqu'à ce qu'il arrive au summum de ce rang. Alors qu'on peut regarder la différence que l'on trouve entre lorsqu'il a été créé, donc il était un morceau de chair, donc il n'était rien du tout, et au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va le saluer, c'est-à-dire dans son paradis. Allah il va saluer dans son paradis et bien sûr, la personne regardera donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire le matin et le soir, fil jannah, bukratan wa ashiya. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi awwal amrihi, lama ja'ahu al-malaku, fa qala lahu iqra. Qala ma ana biqarin. Wa fi akhirihi amarahu biqawlihi أمره بقوله بقول الله تعالى له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سورة المائدة الآية 3. Donc regardez la différence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donc a décidé qu'il sera prophète et lui a envoyé l'ange Jibril qui lui a dit lis. Il a dit je ne sais pas lire. Je ne suis pas quelqu'un qui sait lire. Dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il dit, donc après Allah, et regarde la différence entre cette parole-là et le dernier verset qui a été descendu, où le prophète sallam dit, ce jour je vous ai complété pour vous, donc la religion, et bien sûr je vous ai, donc j'ai pas rachevé pour vous la religion, j'ai complété pour vous mes bienfaits. J'ai complété pour vous mes grâces, mes bienfaits. Maintenant, le dîn était kamil, akmaltu lakum dînakum. Kamil. Donc kamil, il est complet. Donc la science du prophète sallam, elle est complète. Alors qu'au début, c'est l'ignorance, justement, de cette religion. Sot al-Maïda. Donc c'est l'ignorance. De façon générale, c'est l'ignorance de cette religion. Wa yaqulu lahu khassatan wa anzala Allahu alayka al-kitaba wa al-hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Sot al-Nisa, verset 113. Sot al-Nisa, verset 113. Donc il dit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah, donc t'as descendu le livre et la sagesse et t'as appris ce que tu ne connaissais pas et le bienfait d'Allah auprès de toi est illustre. Surat An-Nisa verset 113. Donc toujours Allah subhanahu wa ta'ala montre que quoi, qu'est-ce qu'il y a? Justement, il y a une différence. Donc, il y a l'ignorance du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cela, et Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a appris, lui a enseigné cette religion. Wa yuhka anna jama'atan minan nasara tahaddathu baynahum faqala qa'ilun minhum ma aqalla uqul al-muslimin yaz'umuna anna nabiyahum kana ra'i al-ghanam fa kayfa yasluhu ra'i al-ghanama lin-nubuwa faqala lahu akharun min banihim من بينهم أما هو فوالله أعقل منا فإن الله بحكمته يسترعي النبي الحيوان البهيمة فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدريجا لعبده ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من أمر من امرأة يأكل ويشرب ويبول ويبكي فقلنا هذا إلهنا الذي خلق السماوات والأرض فأمسك القوم عنه. Donc, il y a une histoire que disait à l'époque qu'un groupe de chrétiens disait, et quand ils parlent entre eux, ils disaient, l'un d'entre eux disait, les musulmans sont ceux qui réfléchissent, qui raisonnent le moins. Ils prétendent que leur prophète était un berger. Donc, il était un berger s'occuper de ses moutons. Alors, comment un berger peut-il être envoyé? Comment il peut être prophète, recevoir la révélation? Un autre de parmi eux lui dit, mais plutôt, par Allah, il est bien sûr plus raisonnable que nous. Aqal minna. Il raisonne mieux que nous. Certes, Allah, par sa sagesse, a justement fait que cet envoyé a été donc berger, il a été berger des animaux et il s'est bien occupé donc de ces animaux, il a été berger comme il le fallait, donc il a respecté ce travail jusqu'à ce que tu lui as changé, jusqu'à ce que tu lui as fait passer donc de berger à l'animal au berger à ce qu'il devienne berger des animaux qui savent parler, c'est-à-dire l'homme. Donc c'est par sa sagesse, c'est par la sagesse d'Allah et aussi par étapes, afin de l'élever en degré, par étapes. Mais nous plutôt, on est parti vers un homme qui est né, qui est sorti d'une dame, hein, donc Isa alayhi wa sallam, il mange, il boit, il urine, il pleure, et on a dit celui-là est notre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Et bien sûr, donc les autres lui ont fait taire, l'ont fait taire. Fakaifa يحسن بذي همة قد أزاح الله عنه علله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير إنسانا بأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصير ملكا في مقعد صدق عند ملك مقتدر فتقوم الملائكة في خدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار سورة الرعد verset 24. Donc comment il est bon et il sied pour celui qui a cette envie qui est fort et qui connaît justement donc le bonheur du malheur, c'est-à-dire qu'il connaît la voie de la réussite et la voie de la perdition, comment la personne pourrait accepter qu'il devienne justement donc un animal. Alors que Allah lui a permis cela, lui a permis justement de ne pas l'être, d'être un homme. Et qu'il soit. Alors, et aussi, même, pourquoi il serait juste un homme alors qu'Allah lui a permis même d'être un roi, dans le sens où il ne va pas être que homme, il va être roi, dans le sens où c'est lui qui va gouverner son cœur, sa vue et son ouïe. Dans, justement, dans cette place de véracité, près bien sûr d'un roi qui est puissant, qui est capable de toute chose. Et les anges, c'est eux, donc les anges vont être sous ses ordres. Les anges vont être sous ses ordres. Et on sait que, donc l'alim, les anges sont sous ses ordres. Ils le protègent, ils font dua pour lui, il a khiri. Donc c'est lui qui est, quoi, donc au-dessus des anges. Les anges sont sous les ordres de ce savant. Et les anges lui parviennent par toutes les portes. Et c'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, donc paix sur vous pour ce que vous avez enduré, pour ce que vous avez enduré. Donc c'est comme est bonne votre demeure finale, comme est bonne votre demeure finale. Surat al-Ra'd, verset 24. Wahadak wahada al-kamalu innama yunalu bil-ilm wa ri'ayatihi wal-qiyami bimawjibihi fa'ad al-amru ila al-ilmi wa thamaratihi wallahu al-muwaffaq. Et bien sûr, le fait d'être complet, cette façon d'être complète, c'est justement, elle sera là, ce sera complet que par la science et par le fait de bien gérer cette science, le fait de prêter attention, le fait de donner donc son droit à cette science, et aussi de mettre en œuvre et en application ce qui est obligatoire par rapport à cette science. Et on voit que toute chose, bien sûr, revient à la science et à ses fruits. Allah moulfiq. Allah moulfiq. الواج الرابع والسبعون 74 point. العلم دواء الأمراض القلبية. La science, c'est le médicament des maladies du cœur. أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته وهو مرض الشهوات ومرض الشبهات هذان أصل الداء الخلق إلا من عافه الله. Certes, le cœur sera, donc il sera donc face, il peut être face à deux maladies qui tournent autour de lui. Deux maladies qui tournent autour de lui. Si ces deux maladies sont, donc c'est elles qui prennent le dessus sur lui, ce sera sa perte. Et sa mort, ce sera sa perte et sa mort, sa perdition. Ce sont les maladies des shahawat, des passions, et les maladies des shubuhat, des ambiguïtés. Car ces deux maladies sont les origines. Donc, ce sont les origines de la maladie de la personne. Donc, de la personne, sauf pour celui dont Allah aura bien sûr gardé, et en faisant en sorte qu'il soit saint. وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه. Et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr a cité ces deux types de maladies dans son livre. أما مرض الشبهات Mais en ce qui concerne les maladies des shubuhat, donc des ambiguïtés, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lilqalb. Et c'est le plus dur, et ce sont celles qui tuent le plus le cœur. Naam, les ambiguïtés, par exemple les bid'ah, elles sont plus dangereuses que les péchés. Les péchés sont dangereux, mais les ambiguïtés sont pires. Comme les shubuhat, donc les ambiguïtés parmi la bid'ah et voire même le kufr ou quoi, ce sont encore pires. ففي قوله تعالى في حق المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Surat al-Baqarah, verset 10. Il dit, en ce qui concerne les hypocrites, il y a une maladie dans leur cœur et Allah a rajouté de la maladie. Donc dans leur cœur, il y a la maladie et Allah a rajouté une maladie. وقوله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Surat al-Mudathir, verset 31. Et diront ceux qui ont du maladie dans le cœur et les mécréants, quoi, qu'est-ce qu'Allah a voulu dire par cet exemple. وَقَالَ تَعَالَى لِيَجْعَلَ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hajj, verset 53, qu'il place ce qu'a envoyé Shaitan comme épreuve pour ceux qui ont des maladies dans leur cœur, ainsi que les cœurs qui sont durs. فَهَدْهِ ثَلَاثَةُ مَوَادِعِ. Donc dans ces trois endroits, وَالْمُرَادُ بِمَرَدَ الْقَلْبِ فِيهَا مَرَدُ الْجَهْلِ وَالشُّبْهَةِ. Donc dans ces trois versets, le vouloir dire, donc de la maladie du cœur dans ces trois versets, c'est la maladie de l'ignorance et de l'ambiguïté. وَأَمَّا مَرَدُ الْشَهْوَةِ ففي قوله يا نساء النبي لستن كأحد من نساء إن تقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Surat al-Ahzab, verset 32. Ô femme du prophète, vous n'êtes pas comme vous n'êtes pas comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Hey, la talinna fil kalami fayatma'a alladhi fi qalbihi fujurun wa zina'un. Donc, que la personne ne soit pas complaisante, ne soyez pas complaisante dans votre parole, afin que ne vous convoite pas celui qui a dans son cœur de la turpitude et du zina. وقالوا والمرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلد كلامها وتقويه ولتلينه وتكسره فإن ذلك أبعد من ريبة والطمع فيها. Donc ils disent, les ulama, que la femme, lorsqu'elle parle avec quelqu'un d'étranger, qu'elle ait une voix qui est un petit peu ferme, qu'elle parle avec une voix qui sera ferme. Donc ça sera tourlide. Une voix qui est un peu fort ferme. Comme ça. Donc on sent, il n'y a pas de complaisance. Hein, il faut qu'elle renforce sa voix. Et elle ne va pas la casser et la rabaisser. Donc on sait que ça va toucher le cœur, la voix qui est la femme. La voix de la femme, elle est, donc, elle peut devenir fitna. La voix de la femme, si elle est un peu, elle va devenir complaisance, ça va rentrer directement dans le cœur de la personne. Et c'est pour ça que, et c'est la meilleure façon afin que la personne soit justement pas touchée, soit pas justement convoiteuse. وللقلب أمراض أخرى من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرياسة والعلو في الأرض. Et bien sûr, les cœurs ont d'autres maladies comme l'ostentation, l'orgueil, le fait d'être étonné par soi-même, l'ujub. Le hasad, la jalousie, le fakhar, donc c'est toujours aussi la même chose que l'orgueil, donc c'est un synonyme de l'orgueil, la vantardise, ou le khuyala, la même chose, et aimer commander, aimer le commandement, aimer être au-dessus des autres, sur la terre. Wahada al-maradu murakkabun min maradi shubuhati wa shahwa. Donc ce type de maladie, c'est une maladie qui est composée de la maladie des ambiguïtés et des passions. Fa innahu la buddha fihi min takhayyuli fasid. Car il faut donc il faut, justement, par rapport à cela, il faut obligatoire pour avoir cela, justement, d'avoir, hein, donc, tachayyulin fasid, c'est-à-dire qu'une, le fait de mal comprendre les choses. Donc, il y a une mauvaise compréhension. Wa iradatin batila. Donc, il y a une mauvaise compréhension et aussi une mauvaise niya. Une niya qui est vaine. Une envie ou un désir qui est faux. Kal ujbi, wal fakhri, wal khuyaray, wal kibri, al murakkabi, min tachayyuli azimatin wa fadli. وفضله وإرادة تعظيمه والخلق له ومدحتهم ومدحتهم. Donc, lorsqu'on voit, donc par exemple, par rapport au fait d'être, de s'étonner soi-même, le fait d'être orgueilleux, de vouloir être au-dessus des gens, donc tout cela, tous ces types de défauts vont être composés justement donc de quoi d'une envie, hein, d'une compréhension qui va être dans le sens qui sera donc la personne à quoi elle a justement la personne elle a envie non, la personne aura envie que les gens le vantent, elle a envie que les gens considèrent qu'il soit énorme, considèrent qu'il soit illustre. فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منها. Donc la personne par rapport à cela, par rapport à tous ces types, elle va jamais sortir ni d'une shahwa, d'une passion, ni d'une ambiguïté ou ni de quelque chose qui va être, c'est-à-dire mélangé des deux. وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل. Et toutes ces maladies naissent d'une ignorance. ودواءها العلم. Et ça donc sa guérison. Sa guérison, c'est quoi? C'est la science. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح صاحب الشجتي الذي أفتأه بالغسل. Donc par rapport à celui qui a reçu, qui a été blessé, et on lui a fait la fatwa, donc de faire les irtisal le matin en plein froid. Famat, il en est mort. Il a dit صلى الله عليه وسلم قتلهم الله. Ils les ont tués, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Ala sa'alu idha lam ya'lamu, n'est-ce pas qu'ils devaient questionner s'ils ne savent pas? Innama shafa'ul 'ayy as-su'al. Certes, donc la guérison de l'ignorance, c'est la question. La guérison de l'ignorance, c'est la question chez les gens de science. Fa ja'ala al-'ayy huwa 'ayy al-qalb 'an al-'ilm wal-lisan 'an nutq bihi. Donc l'ayy, cette maladie, c'est justement la maladie du cœur. C'est-à-dire le fait que la personne n'ait pas de science qui est dans son cœur et aussi ne peut pas prononcer cette science parce qu'elle l'a pas. Fada maradan yani wa shifa'uhu su'al al-ulama. Ça c'est une maladie. Et bien sûr sa guérison c'est le fait de questionner les savants, le fait de questionner les savants. Donc les gens vont se dire c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qatalahumullah. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam donc qu'Allah les tue. Alhamdulillah donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il a dit que si, à chaque fois que j'ai fait une doua contre un de mes compagnons, qu'Allah fasse que la personne reçoive le contraire. Parce que c'est ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse qu'ils reçoivent le contraire. Donc, ils ont reçu le contraire de cela, du fait que, bien sûr, ils ne l'ont pas fait exprimer. Donc, c'était une doua, pas pour qu'ils meurent, mais pour dire que cette chose-là était grave, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Et après, il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, à chaque fois qu'il a commis un tort à quelqu'un, qu'il fasse, il a demandé à Allah qu'il fasse justement le contraire. Donc, certains vont utiliser ce qui n'est pas les compagnons pour dire que le prophète a fait du'a pour un tel ou un tel, hein, un tel et un tel des compagnons, mais il y a ce hadith qui vient justement protéger ses compagnons par rapport au contraire, et c'est une marque manqaba pour eux, c'est un bienfait, parce que ça a été le contraire pour eux par rapport à cela. فَأَمْرَادُ الْقُلُوبِ أَصْحَبُوا مِنْ أَمْرَادِ الْأَبْدَانِ. Et les maladies du cœur sont plus difficiles que les maladies du corps. لِأَنَّ غاية المرض البدني أن يفضي بصاحبه إلى الموت. Car le but, c'est-à-dire donc l'apogée ou bien la fin, donc la fin de la maladie du corps, c'est que la personne va mourir. ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. Il n'y aura pas. Donc la personne meurt, donc c'est une mort du corps. وَأَمَّا مَرَضُ الْقَلْبِ فَيُفْدِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الشِّفَاءِ الْأَبَدِي. Par contre, la maladie du cœur fait que la personne donc sera il a shaka, enfin il a shaka el abadi. Donc la personne sera malheureuse tout le temps, éternellement. Voilà shifa'a li hada al maradi illa bil ilm. Il n'y a pas de maladie, donc il n'y a pas de guérison afwan, il n'y a pas de guérison pour cette maladie que par la science. Wali hada samallahu ta'ala kitabahu shifa'an li amradi as-sudur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé son livre la guérison des maladies des cœurs, les maladies qui sont dans les poitrines. Et on sait que bien sûr c'est le cœur. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sourate Yunus verset 57. Il dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Yunus verset 57: ô gens, certes, vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur et une guérison qui, dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Donc regardez, il y a une quoi dans ce Coran? Il y a une exhortation pour nous. Il y a une guérison, il y a une guidée et il y a aussi une miséricorde pour les croyants. وَلِهَدَ السَّبَبْ نِسْبَةُ الْعُلَمَا إِلَى الْقُلُوبِ كَنِسْبَةِ الْأَطِبَّا إِلَى الْأَبْدَنِ. Donc on voit qu'il y a on peut comparer par rapport à cela que les savants par rapport au cœur sont comme les docteurs par rapport au corps. Les savants pour ton cœur, ce sont les docteurs pour ton corps. Hein, ce sont comme les docteurs pour ton corps. فَيُقَالَ لِلْعُلَمَا أَطِبَّا الْقُلُوبِ. Et on dit donc pour les savants, les médecins du cœur. فَهُوَ لِقَدْرٍ مَجَامِعِنَا ما جامع بينهما والا فالامر اعظم من ذلك فان كثيرا من الامم يستعنون عن الاطباء ولا يوجد الاطباء الا في اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره او برهة منه لا يحتاج الى الطبيب. Donc là on voit aussi que bien sûr cela, donc il dit par rapport à cela que ce sont les savants du cœur, selon ce qu'il aura récupéré comme science, et voire même cela et même des fois, donc la personne peut donc par rapport à cela joindre ou enjoindre entre les deux, c'est-à-dire la maladie du cœur et la maladie du corps, et voire même on peut voir que des fois beaucoup de gens, donc, vont passer chez les médecins, c'est-à-dire vont demander conseil ou bien aller voir les médecins. Alors qu'on retrouve des fois, c'est-à-dire très peu de médecins dans certains pays. Et voire même que des fois, des gens vivent toute leur vie ou une partie de leur vie alors qu'ils n'ont pas besoin de médecins. Donc on parle par rapport aux médecins qui guérissent le corps, pas le cœur. Donc les médecins, le docteur, ceux qui ont fait médecine, les études de médecine. وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الوجود وروحه. Par contre, les savants, ceux qui connaissent Allah et qui connaissent l'ordre d'Allah, sont eux justement la vie de tout ce qui existe et son âme. ولا يستعنى ولا يستعنى عنهم طرفة عين. Et on peut pas se passer d'eux le clignement d'un œil, le clignement d'un œil. Et ça, on l'a vu au départ. Quand les savants ont dit que la science, on l'apprend sans te laisser ne serait-ce que le temps de clignement d'un œil. On a toujours besoin des savants. Tandis que le médecin, c'est possible qu'on ne va pas chez le médecin pendant X années. Il y a des gens, ils vont vous dire, j'ai 70 ans, je suis jamais allé chez le médecin. Yumkin. Jamais été chez le dentiste. Jamais fait ceci. Ça existe. فَحَاجَةُ الْقَلْبِ إِلَى الْعِلْمِ لَيْسَتْ كَالْحَاجَةِ إِلَى التَّنَفُّسِ فِي الْهَوَى. Par contre, le besoin du cœur pour la science n'est pas comme le besoin de respirer, comme le besoin, c'est-à-dire de la respiration de l'air. Bel avamou, voire même c'est encore plus important. Wabil jumlati fal ilmu lil qalbi mithl ma'i lis samak. Donc, en définitive, c'est que la science pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Idha faqadahu mat, s'il, bien sûr, perd cette science, il meurt. فَنِسْبَةُ الْعِلْمِ إِلَى الْقَلْبِ فَكَنِسْبَةِ ضُوءِ الْعَيْنِ إِلَيْهَا. Et aussi, donc la science pour le cœur est comparable à la lumière, c'est-à-dire pour l'œil. Kanisbati sam al-udhun, kalam al-lisan ilayhi. Et c'est aussi comparable à l'oreille lorsqu'elle entend. Comparable à l'oreille. Donc, comment on peut savoir que l'oreille a besoin d'entendre pour qu'elle puisse vivre. Donc, l'oreille vit et entend ces choses-là. Entend. Faida adimahu kana kal'ain l'umia, ou l'amia. Si la personne n'entend pas, la personne ne voit pas, donc c'est comme si c'était un œil qui était aveugle. Wal-udhuni sammai wal-lisani l'akhras. Comme aussi, donc, l'oreille qui n'entend pas, donc la personne sera sourde, ou celui qui est muet, ou la personne qui sera muette. وَلِهَذَا يَصِفُ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الْجَهْلِ بِالْعَمَى وَالصَّمَمِ وَالْبَكَمِ. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que les ignorants sont donc des aveugles, sourds, hein, donc muets et sourds. وَذَلِكَ صِفَةُ الْقُلُوبِهِمْ حَيْثُ فَقَدَتْ الْعِلْمَ النَّافِعَ. Donc voilà les caractéristiques de leur cœur lorsqu'ils ont bien sûr perdu la science qui est profitable. فَبَقِيَتْ عَلَى عَمَّاهَا وَصَمَمِهَا وَبَكَمِهَا. Donc elle sera, le cœur sera donc avec, sourd, avec sourd et aussi muet. فَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَضَلُّ السَّبِيلَ. Soit l'Isra, verset 72. Il dit, subhanahu wa ta'ala, donc celui qui est, c'est-à-dire dans cette ville ici-bas, aveugle, il sera dans l'au-delà aveugle et encore plus égaré. Soit l'Isra, verset 72. Wal muradu amal qalbi fi dunya. Et bien sûr, cela veut dire qu'il est aveugle du cœur. Donc son cœur ne voit pas les choses comme il le faut dans la ville d'ici-bas. Faqala ta'ala, wa nahshuruhum. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, toujours dans Sourate Al-Isra, verset 97, et on va les rassembler le jour dernier, donc sur leur, hein, donc ils vont être sur leur visage, ils vont marcher sur leur visage, sourds, aveugles. Sourd, non, aveugle, muet et sourd, et leur demeure, ou bien leur dernière demeure, hein, donc nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugle, muet et sourd. L'enfer sera leur demeure. L'enfer sera leur demeure. Surtout l'Isra, verset 99. Les annahum hakada kanu fi dunya. Wal abdu yub'athu ala ma mata alayhi. Car ils étaient comme ça dans la vie d'ici-bas, et le serviteur sera ressuscité selon ce qu'il faisait, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. Selon comment il est mort. Il est mort croyant ou bien il est mort non-croyant. Al-Wajh al-Khamis wa Sab'oun. 75e point, al-ilmu sabilun najat. La science, c'est la voie de la réussite. Que la personne sera sauvée. Donc c'est la voie qui va sauver les gens. Anna Allah subhanahu bi hikmati sallata ala al-abdi aduwan, aliman bi turuki alakihi, wa asbabi sharri alladhi yulqihi fihi, mutafannitan fiha, khabiran fiha, harisan alayha. لا يفطر عنه يقظة ولا مناما ولا بد له من واحدة من ست ينال منه. Donc certes, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, donc va faire prévaloir son serviteur envers ses ennemis. Donc il va justement, ça va être le savant, donc qui connaît les voies, donc les voies de la perdition et les causes du mal, car il lui a bien sûr, il l'a prévenu contre cela. Il a prévenu, il a fait de lui quelqu'un qui connaît parfaitement. Donc, hein, donc il est parfaitement connaisseur, professionnel dans ce domaine. Il fait attention à cela. La personne ne va pas justement délaisser cela, ne serait-ce qu'un instant. Il ne va pas dormir. Il va pas, donc il va bien sûr se protéger contre cela. Et là on retrouve 6 points qui vont faire que la personne elle sera justement sauvée par rapport à cette science. 6 points. إحداها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. Donc là on voit qu'il y a justement donc par rapport à ça Allah subhanahu wa ta'ala Afwan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a quoi? Il a placé un ennemi évident. Naam. Afwan. Il a placé un ennemi qui est évident. Et cet ennemi qui est évident connaît. Donc c'est l'ennemi qui est évident, Afwan, mais c'est pas le savant. C'est l'ennemi qui est évident, c'est-à-dire Shaitan et ses alliés, ils connaissent les voies. Hein, pour justement détruire la personne, pour détruire le serviteur. Donc il est quoi? Il est mutafannin. C'est un professionnel. Hein, donc c'est un expert. On parle de Shaitan qui est expert, qui a de l'expérience, et qui est prompt, qui est aux aguets, hein, et qui ne perd pas de temps, ni il dort. Et pour connaître cela, pour connaître justement les ruses de Shaitan, donc il faut 6 choses, savoir 6 choses importantes. Donc la première, c'est le but. Donc ça, tout en connaissant que le but suprême de Shaitan, c'est il veut être entre toi et entre la science et la foi. Il veut se placer entre toi et entre la science et la foi. Ça, c'est le premier point qu'il veut faire. Afin de t'envoyer, hein, afin de te faire de toi un mécréant. Et si il a réussi cela, à ce moment-là, il se débarrasse de toi et il peut se reposer de toi. Tu es mécréant et donc il n'aura plus besoin de faire d'efforts par rapport à cela. Il ne va pas faire d'efforts pour que la personne ait un mauvais comportement. Il ne va pas faire d'efforts par rapport à cela. Il ne va même pas faire d'efforts pour que la personne soit spécialiste du riba ou un namima. Il n'y a pas besoin d'aller dans le couple. On peut retrouver le kafir, pas de riba, pas de namima, une certaine gentillesse, une certaine ceci. Comment ça se fait? Parce que Shaitan, justement, il s'occupe pas de lui par rapport à cela. Il ne met pas les efforts sur lui dans certains mauvais comportements. Il n'y a pas besoin. C'est parce qu'il est dans son couf, et son couf, il va le ramener de toute façon à des choses. Le fait qu'il est dans le couf, ça suffit. Il y a stalah minou. Il se repose de lui. Fa'in fatatuhu hadhi wa hawiya al-islami harisa ala tawli al-kufr wa hiya al-bid'atu. S'il n'arrive pas, bien sûr, à le faire sortir de l'islam, il va bien sûr être prompt et aux aguets afin de le ramener vers ce qui est avant, moindre que le kufr, qui est bien sûr al-bid'a. Donc regardez ce point-là. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Qayyim rahmatullah alayh? L'innovation. Wa hiya ahabbu ilayhi min al-ma'siyah. Comme le dit Ibn Abbas et d'autres salafs. Que la bid'a, elle est préférée à Shaitan que le péché. فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا. C'est pour ça que c'est préféré après Shaitan. Parce que c'est très bien que le péché, on peut y faire, on peut justement plus facilement, c'est-à-dire demander pardon à Allah, se repentir de cela. Mais pas la bid'a. Pourquoi? Parce que la bid'a, on croit que c'est une guidée. Parce que celui qui commet la bid'a, il croit qu'il est en toute vérité. Donc il pense pas, là, il n'y a pas besoin de... Depuis quand on va faire taouba de si on est dans la vérité? Il n'y a pas besoin de taouba. Par contre, le péché, on le sait. C'est wadih. Wa fi ba'd al-athar, yaqulu iblis, ahlaktu bani adam bidh-dhunub, wa ahlanu ahlakuni bil-istighfar, hein, bi la ilaha illallah. Falamma ra'aytu dhalika, بَثَثُوا فِيهِمَ الْأَهْوَى فَهُمْ يُذْنِبُونَ وَلَا يَتُوبُونَ لِأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Donc dans certains textes, Iblis dit, donc j'ai fait périr le fils d'Adam par les péchés. Mais eux m'ont fait périr par le pardon, istighfar, par le pardon. Avec le mot, cette phrase qui est « La ilaha illallah ». Et lorsque j'ai vu cela, j'ai donc entré dans eux, bathathu, j'ai entré, c'est-à-dire comme poison, hein, dans eux, les passions. Et ces gens-là ont fait des péchés, mais ils ne sont pas revenus. L'ahwa, c'est-à-dire l'bida. Et ils ne se sont pas repentis, car ils pensent qu'ils commettent de bonnes choses. Car ils pensent qu'ils commettent de bonnes œuvres. Ils pensent qu'ils font bien. Fa'idha zafira minhu bihadhi sayyirahu min ra'atihi. Si il ne peut pas faire cela, il va bien sûr donc leur envoyer, hein, c'est-à-dire ses amis, il va les envoyer, bien sûr, ses amis. C'est-à-dire ceux qui sont avec lui, Shaitan, et ceux qui sont autour de lui. فإن أعجزته ألقاه في الثالثة وهي الكبائر. Et s'il n'arrive pas après cela, s'il n'arrive pas même par rapport à ces trucs, à le fait d'envoyer donc ses armées, il va essayer quoi? De le faire tomber dans les grands péchés. Il va essayer de le faire tomber dans les grands péchés. فإن أعجزته ألقاه في اللمم وهي الرابعة وهي الصغائر. S'il n'arrive pas à le faire commettre des grands péchés, il va le faire commettre de petits péchés. فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليريج عليه الذي بينهما وهي الخامسة. Et s'il n'arrive pas, même à le faire tomber dans les petits péchés, il va lui faire commettre des œuvres qui sont bien, mais qui sont moins importantes que d'autres. Donc imaginez-vous que Mathalan, c'était... Donc c'est quoi Mathalan, il va... À cette heure-là, c'est mieux de faire la prière. Et ben lui, il va le faire lire le Coran. À cette heure-là, c'était mieux de lire le Coran. Et ben lui, il va leur faire lire, il va leur faire prier. Mathalan, c'est un exemple. Au ce moment-là, c'était mieux de faire sadaqa. La personne, Mathalan, elle a fait autre chose. Moum, ça va toujours rester dans des bonnes œuvres, mais simplement, il y avait des œuvres qui étaient bien sûr plus aptes ou bien plus importantes en ce moment-là. C'est ça qu'on appelle le fadl ou le mafdoul. Ou bien autre chose encore. مثلا comme ceux qui vont مثلا écouter مثلا l'adhan au moment alors que la personne aurait mieux fait par exemple faire tahiyat al-masjid pour écouter l'imam. Donc lui il a écouté l'adhan mais il n'a pas écouté le début de l'imam, مثلا le début de la khutba lorsque l'imam a commencé sa khutba. Ça c'est un exemple. فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة. Et s'il n'arrive pas à cela, il passe au sixième point, au dernier point, وهي تسليط حزبه عليه يوذونه ويشتمونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم. S'il n'arrive pas à le toucher, lui il va faire quoi? Il va toucher ceux qui sont autour de lui, ses amis, afin qu'ils lui fassent du mal. يوذونه, ils le critiquent, hein, ils lui font du mal, ils le rabaissent et ils l'accusent de choses graves. Regardez, il utilise ceux qui sont autour de lui pour dire tu fais ça, tu fais des choses graves, alors que lui, miskin, il est que dans le khair. لِيَحْزُنَهُ وَيَشْخَلَ قَلْبَهُ عَنِ الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَسَائِلِ أَعْمَالِهِ. Afin de l'attrister et de le faire occuper, de faire occuper son, c'est-à-dire de détourner son cœur de la science, du vouloir et de tous ses actes. فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا عدوه إلا بما يحصنه منه. Comment il va pas réussir à couper cela? Comment qu'il va pas pouvoir? Comment Shaitan ne pourra pas complètement contourner celui qui n'a pas de science, celui qui n'a pas de science, qui n'a pas de science de ces choses-là et de ses ennemis? Regardez un peu ces six points. Regardez un peu ces six points qui sont justement cités par Ibn Qayyim rahmatullah alayhi. Donc, parce que la personne ne connaît pas son ennemi, comment qu'il va se protéger de lui? Il ne pourra pas se protéger de lui. فَإِنَّهُ لَا يَنْجُو مِنْ عَدُوِهِ إِلَّا مَنْ عَرَفَ طَرِيقَهُ الَّتِي يَأْتِيهِ مِنْهَا وَجَيْشَهُ الَّذِي يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَيْهِ. Il ne pourra pas être sauvé de son ennemi que s'il connaît les voies avec lesquelles son ennemi est venu, et aussi, bien sûr, non seulement l'ennemi, mais aussi ses armées, afin de se protéger contre cela. وَعَرَفَ مَدَاخِلَهُ. Il connaît comment il rentre et comment il sort. وَكَيْفِيَتْ مَحَارِبِهِ مُحَارَبَتِهِ. Il connaît aussi comment le combattre. بِأَيِّ شَيْءٍ يُحَارِبُهُ. Avec quoi il pourra le combattre? وَبِمَا يُدَاوِي جِرَاحَتَهُ. Et comment il va guérir donc ses plaies? وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَسْتَمِدُّ الْقُوَّةَ لِقَاتِلِهِ وَدَفْعِهِ. Avec quoi, de où il va prendre, il va acquérir ce qu'il a la force afin de le tuer, donc de le combattre et de le repousser. وهذا كله لا يحصل الا بالعلم. Tout cela ne pourra pas être, donc ne pourra pas s'acquérir que par la science. فالجاهل في غفلة وهم عن هذا الامر العظيم والحطب الجسيم. Donc l'ignorant bien sûr est, c'est-à-dire en total, Donc l'ignorance sera, c'est-à-dire, va être, comment dire, étourdie, va être en total étourdissement, si on peut dire ça comme ça, fait le rafla. Donc il va être, il va délaisser, il va être insouciant plutôt, en totale insouciance et en, bien sûr, en toute aveuglité. Hein, donc il sera aveugle, afouane, par rapport à cette chose qui est importante. ولهذا جاء ذكر هذا العدو وشأنه وجنوده ومكائده في القرآن كثيرا جدا. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite beaucoup cet ennemi, son armée, ses ruses, donc beaucoup dans le Coran. ولحاجة النفوس إلى معرفة عدوها. Et aussi donc le besoin de quoi? De l'âme, hein, afin de connaître justement son ennemi. وطرق محاربته ومجاهدته. Et des façons de pouvoir le combattre. فلولا أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا من نجا منه. Et si la personne ne connaît pas cela, donc si la personne ne connaissait pas cela, ça ne durerait pas de. Hein? Donc la personne ne peut pas être sauvée de cela. La personne ne peut pas être sauvée de cela. فالعلم وثمرته فهو الذي يحصل به النجاة. Donc la science et ses fruits. Donc, bien sûr, c'est par cela que la réussite sera. C'est-à-dire le fait que la personne sera sauvée. Donc, on va être sauvé que par la science et les fruits de la science. Donc, je vais m'arrêter là, Afwan, hein, du fait que, Afwan, je suis fatigué. Donc, je vous demande pardon. Barakallahu fikoum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc, demain, Inch'Allah, au Maghreb, je pense que